Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaq al hadith kitabullah tabaraka wa ta'ala. Wa khayra al hadith hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la situation sociale de la période pré-islamique à l'aube de la prophétie. Situation sociale qui en réalité regroupe plusieurs choses. La gouvernance, les jugements, les registres, la situation politique, les différentes castes de gens, leur manière de penser, la situation scientifique et civilisationnelle. Mais nous allons nous intéresser, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, à certains aspects de la situation sociale qui nous montreront au final que cette situation était dans une phase décadente et même arrivée à son paroxysme dans la décadence et la bassesse des mœurs. Il y avait chez les Arabes des milieux différents les uns des autres par leurs conditions. Chez les nobles, la relation entre l'individu et sa famille avait atteint un haut niveau de développement. Fortement marquée par la liberté et la franchise, elle a été respectée et entretenue jusqu'à en dégainer les épées ou faire couler le sang pour préserver cela. L'homme était sans conteste considéré comme le chef de famille et le détenteur de l'autorité. Concernant le mariage, la liaison entre homme et femme se faisait par l'intermédiaire d'un contrat de mariage sous la supervision des parents de la femme. Celle-ci n'avait pas le droit de désobéir à ses parents. Alors que ceci était la situation chez les nobles, on trouvait dans d'autres milieux certaines formes de promiscuité entre l'homme et la femme, promiscuité qu'on ne peut exprimer qu'en l'identifiant à la débauche, à la fornication et à la prostitution. L'imam Abu Daoud, dans son Sunan, a rapporté d'après Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, qui a dit que le mariage à l'époque anté-islamique ou pré-islamique s'effectuait sous quatre formes. La première, c'est une forme analogue au mariage d'aujourd'hui. Un homme demande à un autre la main de sa fille et ensuite le mariage se réalisait après remise de la dot. Deuxièmement, une forme dans laquelle un homme disait à une femme, après que celle-ci soit sortie de ses menstrues, va faire le commerce charnel avec un tel. Cette femme, l'homme ne s'en approchait ni n'avait de rapport avec elle que lorsqu'il devenait évident qu'elle tomba enceinte par l'homme avec qui elle avait eu des rapports illicites. Dès que la grossesse était réelle, l'homme pouvait avoir un rapport s'il le voulait avec la femme. La pratique était destinée à obtenir un enfant noble. Et cette forme de mariage était connue sous le nom de istibdar, mariage du commerce charnel. Troisième forme, une forme dans laquelle un groupe d'hommes de moins de 10 entrait chez une femme et celle-ci avait alors un rapport sexuel avec chaque homme. En cas de grossesse et ensuite d'accouchement, cette femme, des jours après, réunissait les hommes chez elle et leur parlait en ces termes « Vous savez ce qui s'est passé grâce à vous, j'ai à présent accouché. » Désignant ensuite l'un d'entre eux, elle lui disait « C'est ton enfant, ô toi, un tel. » Ainsi, elle nommait son enfant après l'homme qu'elle aimait et alors à celui-là, elle remettait l'enfant. Il y avait une quatrième forme où plusieurs hommes se réunissaient et entraient chez une femme qui n'en pouvait repousser aucun, car celle-ci était une prostituée, localisant sa demeure à l'aide de drapeaux qu'elle accrochait à sa porte à l'intention des visiteurs. En cas de grossesse puis d'accouchement de cette femme, ils appelaient Al-Qafa. Al-Qafa sont des genres de physiognomistes qui, au regard de leur dextérité, de leur expérience et de signes probants, arrivaient à savoir de qui provenait l'enfant. Les hommes se regroupaient chez elle et remettaient l'enfant à qui d'entre eux ils estimaient en être le père. Ce hadith, vous pouvez le retrouver sous le numéro 2272 dans le Sunan de Abi Daoud. C'est un hadith qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Une fois envoyé, le prophète Mohammed a.s.w. détruisit toutes ces formes anti-islamiques de mariage, ne laissant prévaloir que le mariage tel que l'islam le conçoit aujourd'hui. Il y avait aussi chez les Arabes des unions entre hommes et femmes conclues par la lame des épées et la pointe des lances. Les vainqueurs aux guerres tribales emmenaient en captivité les femmes des vaincus et en jouissaient. Toutefois, les enfants nés de telles unions étaient frappés de honte durant toute leur vie. On sait aussi qu'à l'époque anti-islamique, les gens avaient un nombre illimité de femmes. Ils épousaient même deux sœurs à la fois, chose interdite en islam. Ils se mariaient avec les femmes que leur père avait divorcées ou laissées derrière à leur mort. Le divorce dépendait de l'homme en l'absence de toute réglementation. La pratique de la fornication avait libre cours dans tous les milieux, n'en échappait que certains hommes et certaines femmes dont la grandeur les portait à refuser un comportement aussi vil et abject. Les femmes qui se tenaient sur leur garde étaient mieux loties que les captives, car celle-ci était la grande catastrophe. En outre, il paraît que la plupart des gens de l'époque pré-islamique n'éprouvaient aucune honte à se réclamer des fornicateurs. Il y avait aussi d'autres pratiques tout aussi contestables au regard de la charia et de l'islam. Certains enterraient leurs filles vivantes par crainte de la honte et des dépenses. Il n'est cependant pas possible de considérer cette pratique comme faisant partie des tendances morales répandues. C'est des choses qui existaient, mais qui n'étaient pas répandues à outre mesure. Les gens de l'époque anti-islamique avaient un vif besoin d'enfants mâles pour se faire craindre de leurs ennemis. Quant au lien entre l'homme et ses frères, ses cousins et son clan, ils étaient très solides. Les gens croyaient à l'esprit de clan, ce qu'on appelle en arabe « al-asabiyya », par lequel ils vivaient et à la défense duquel ils étaient prêts à mourir. La tribu fonctionnait aussi sur un esprit de groupe et de clan, et ceci en accentuait cet esprit, cet asabiyya. Le système social reposait sur le chauvinisme racial et les liens de sang. La société arabe, durant cette période de l'histoire à l'aube de l'islam, était une société de type tribal, tant au niveau des citadins, c'est-à-dire les habitants des villes comme la Mecque, Yathrib, qui deviendra Médine plus tard, Taif, Sana'a au Yémen et d'autres, que des bédouins habitant des campagnes et des régions désertiques. Les Arabes étaient divisés en tribus disparates et diverses. Chaque individu de ces tribus s'affiliait à un ancêtre commun et chacun de ses membres était lié à l'autre par cet esprit tribal et partisan. Le sang et la lignée remontant à cet ancêtre lointain ou commun duquel découle cette tribu. C'est pour cette raison que l'esprit tribal et partisan était une source de pouvoir politique et militaire qui fédérait les membres de cette tribu. Chaque tribu enjoignait ses membres à secourir l'un des leurs, qu'il soit l'injuste ou l'opprimé, à venger la mort de l'un des leurs et lever ainsi la honte et le déshonneur. On demandait à chaque membre de se plier aux règles et à l'organisation de la tribu, à répondre présent en temps de guerre ou de conflit et à supporter d'éventuelles charges financières ou autres et responsabilités d'autrui parmi les membres de la tribu, comme le fait d'aider à payer le prix du sang ou autre. En revanche, celui qui ne se pliait pas à ses directives et à ses obligations se voyait chassé et expulsé de la tribu et on officialisait son expulsion devant toutes les autres tribus à l'occasion des grands rassemblements dans les marchés ou en période de pèlerinage. Ces badis, qu'on appelait al-khula'a ou al-turada, se réfugiaient alors vers ceux qui étaient prêts à les protéger et les accueillir parmi les grandes tribus ou encore à rejoindre des bannis comme eux. Il y avait à la tête de chaque tribu un chef ou un ancien qui était désigné par une assemblée de sages ou d'anciens. De manière générale, on n'accédait pas à la tête d'une tribu par hérédité, mais plutôt celui qui prétendait à être le chef devait réunir six qualités majeures. La première, la générosité. La deuxième, la bravoure, ou encore le fait d'être prompt à secourir autrui. Troisièmement, la mansuétude. Quatrièmement, la patience. Cinquièmement, la modestie. Sixièmement, l'éloquence. En plus du fait qu'il devait réunir avant cela d'autres conditions essentielles, il devait être un des plus nobles en lignée. Celui à l'esprit tribal le plus marqué, le plus riche et le plus âgé. Cela étant dit, la société arabe se divisait en trois castes ou classes sociales, conséquence de la situation politique, économique et sociale du pays. La première est la classe supérieure. Elle comprend les chefs de tribus nobles et puissantes, ainsi que leurs proches, et les personnes emblématiques comme les commerçants, les propriétaires de terres agricoles ou de pâturages. puis il y avait la classe moyenne. Elle comprend les Bani, ces fameux Khoulaha, à l'instar de Qais ibn al-Haddadiyya ou encore Hajiz al-Asdi. Il y avait des pauvres parmi les Arabes, comme Urwat ibn al-Ward, ou les pauvres des Bani Huzayl. Il y avait les Noirs affranchis qui ont hérité de la peau noire de leur mère esclave, comme Ash-Shanfara, le célèbre auteur de l'Amiyat al-Arab, Sulayk ibn al-Sulka et d'autres. Les affranchis et les esclaves parmi les Arabes. Et il y avait enfin une classe inférieure qui comprend les esclaves noirs, ramenés pour la plupart des côtes africaines orientales et d'Éthiopie en particulier, ainsi que des prisonniers de guerre, qu'ils soient blancs ou noirs. Pour ce qui est des relations intertribales, elles étaient totalement désarticulées et propices à la guerre. Cependant, le respect et la crainte de certaines traditions et coutumes communes à la religion et aux superstitions contribuer peut-être à en réduire la tension et aussi la sévérité, comme nous souligne Saif al-Rahman Mubarak Fouri. Parfois, l'assistance mutuelle, le serment et la subordination conduisaient au rassemblement de tribus différentes. Les mois sacrés leur étaient une clémence et une aide grâce auxquelles ils pouvaient vaquer à leurs affaires et obtenir leurs moyens de subsistance. Car durant ces mois, il était totalement interdit de faire couler le sang ou d'entamer des guerres, quelles qu'elles soient. En résumé, la situation sociale était à un niveau abject de faiblesse et de cécité. L'ignorance sévissait parallèlement aux superstitions extrêmement répandues et fortes. Les gens menaient une vie de bestiaux. La femme se vendait et s'achetait, traitée dans certains cas à un pied d'égalité avec les objets inanimés. Quant aux autorités, la plupart d'entre elles étaient occupées à s'enrichir sur le dos des sujets ou à faire la guerre aux ennemis. Nous parlerons dans de prochains cours des qualités et des beaux aspects qu'avaient les Arabes avant l'islam et qui se sont parfaits et accomplis pour ceux qui sont rentrés en islam par la suite. Et nous parlerons, et c'est une des choses les plus importantes, de la situation religieuse à l'aube de l'islam et de la prophétie dans la péninsule arabique et aux alentours. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.